Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile de Pulsion sur l'antenne du 94 MHz. Ça c'est pour le direct à partir de 21h30 le lundi. Également en rediffusion dans une nuit de la semaine, je ne sais plus trop laquelle. Émission également que vous pouvez retrouver à partir du mixcloud.com/redman. Également en podcast et vous pouvez déplier l'intégralité des playlists à partir du site asile35.blogspot.fr. Et on attaque avec une vieille connaissance en la personne de monsieur Antioche Kirm, qu'on avait connu avec son gang de Kermut, les robots mutants Angora, monsieur Paul Courlet de son vrai nom, qui est un francophone qui vit à Genève et qui vient de sortir son quatrième album sous le titre Goyag au Mas, coproduit par Urgent Disc et Kaka Kids Records. Alors c'est sorti il y a déjà quelques mois, hein. C'était en février si je ne m'abuse. C'est 6 prophéties de monsieur Kirm Antioche de son prénom, en compagnie de Francis Froot qui est le batteur du groupe. Antioche Kirm qui est un musicien qui joue de la basse et de la contrebasse et un chant un peu chaman sur les bords pour un genre de post-punk assez halluciné, un peu kraut improvisé aussi. Et on va écouter le titre qui démarre cet album, Goyag au Mas, par Antioche Kirm. Go Yak a Mas, Go Yak a Mas. Port, England, go ya go, go ya go, like Kyo, go ya go bus, go ya go bus, jazz, lies, go ya go bus, go ya go bus, Estelle. genre d'avant-rock un peu bancal, mais qui décoiffe. On a démarré avec Antioche Kirm et son nouveau projet et le disque Goyag Omas, un 33 tours publié en début d'année sur Urgente Disque et Kaka Kids. Alors, nouveau projet, je ne sais pas, puisqu'il vient tout juste de créer un tout nouveau trio qui répond au nom de Gros Oiseaux. Donc, c'est assez énigmatique et plutôt, ça fait plutôt envie. Et c'était enchaîné avec la musique de Badaboom, le premier LP de Mesdemoiselles Bisou Bisou, Jim Morrison Mon Cul et Yvette Corner Butt, album éponyme, là encore, publié par l'excellente étiquette Bruit Direct Disc. Pour ce All Star French Girl Band dans lequel on retrouve notamment Kryn d'Edouard, Armel de The Dream et Solène, l'ex-tante Felipe et Doudou Gueva, un trio qui est basé entre Brest, Amiens et Strasbourg, qui est affidé à la fameuse grande triple alliance de l'Est. Il y a l'insigne sur le verso de cette galette vinylique et musicalement ça se sonne un peu dark goth à la façon par exemple de Zola Jesus de la grande époque ou encore du cercle des Malissimalistes sur disque. Et à noter que la pochette que vous pouvez vous procurer de même que la galette à l'excellente boutique Blind Spot rue Poulain du Parc à Rennes est délicieusement empruntée au premier LP de Goldfrapp. Ce que m'a fait remarquer d'ailleurs Pierrot de Plainspot, l'album Felt Mountain. Donc voilà pour Badaboom, un disque plutôt pas mal, publié par Bruit Direct Disc. On va enchaîner avec du Free Noise et le projet Slobber Pup, qui est un groupe qui réunit le guitariste Free Joey Morris en compagnie de l'organiste Jamie Saft et du batteur hardcore, un peu jazz aussi, Balazs Pandy, qui est d'origine polonaise, si je ne m'abuse, et qui lui joue assez régulièrement aux côtés de Merzbo, par exemple. Et ils sont rejoints pour ce nouvel album par le titan suédois Mats Olof Gustafsson. L'album s'intitule Pole Axe et il est sorti à la fin du mois d'octobre sur l'étiquette londonienne Rare Noise. Et je propose d'écouter le démarrage de ce disque qui compte trois pièces, donc des très très très longs morceaux pour cette formation Slobber Pup. Et on écoute le début de Pole of Combustible Memory. We'll be right back. Thank you. de nouveautés aux ambiances assez dissemblables, mais tout aussi excellents ces deux disques. Tout d'abord, les cordes électrifiées de Joey Morris avec ses camarades Jamie Saft et Balash Pandy. Le projet Slobber Pup rejoint par Mats Olof Gustafsson. Slobber Pup qui veut dire quelque chose comme chiot baveux. Leur deuxième album, trois ans après le tout premier Black Axis, qui était sorti également sur le label londonien Rare Noise Records. Donc celui-ci s'appelle Paul Axe. On a écouté un extrait d'une pièce qui faisait pas loin de 29 minutes. Un double LP et CD pour ces trois morceaux. Et un disque qui est un peu le petit frère du projet The Spanish Donkey. Et le disque Raoul sorti au printemps dernier, qu'on vous avait passé un peu avant la coupure estivale, où on retrouvait le guitariste Joey Morris aux côtés du claviériste Jamie Saft et du batteur cette fois Mike Pride, qui est donc également sorti sur cette étiquette londonienne Rare Noise Records, qu'on va suivre régulièrement j'imagine. Et c'était enchaîné avec les cordes nettement plus classieuses de la violoncelliste canadienne qui vient tout juste de s'installer à New York d'ailleurs, Julia Kent, et son tout nouvel opus sous le titre Asperities. C'est sorti fin octobre sur le label de Leeds, The Leaf Label. Musicienne accompagnatrice notamment aux côtés des Swans, d'Anthony and the Johnsons ou encore de Théo Théardo, et qui sort son quatrième album et le premier depuis trois ans, qui regroupe pas mal de pièces méditatives et assez entêtantes, entre ambiantes à base de loop, un certain néoclassicisme, mais quelque chose de vraiment très très agréable à écouter. On va continuer avec une autre musicienne, également d'Amérique du Nord, originaire de Virginie, du pays des mineurs, et élevée au Texas, mais qui vit depuis quelques années à Glasgow, en Écosse. Elle a fait notamment partie de l'aventure du label distributeur et magasin de disques Volcanic Tongue, qui a beaucoup fait pour les musiques parallèles dans le pays anglo-saxon, notamment aux côtés de David Keenan. Et elle est collaboratrice notamment de pas mal de musiciens de cette scène, notamment Thurston Moore de Sonic Youth, Chris Corsano, Paul Flaherty, notamment au sein du projet Dream Action Unit. Elle a aussi beaucoup collaboré aux côtés de Christina Carter de Charlambites, et elle vient tout juste de sortir un tout nouvel opus en solo sous le titre I Abused Animal, sorti sur la petite subdivision des éditions Mego Idéologique Organ. Alors je ne vous ai pas dit de quoi elle jouait. En fait, à la base c'est une guitariste plutôt slide qui a commencé la pedal steel guitar au début des années 2000 dans une ambiance un peu entre noise et drone, et sous inspiration de Suzanne Alcorn. Et elle chante dans un registre un peu façon Patty Waters, la diva du free de l'époque ESP. Donc elle joue cette musique, ce pedal steel guitar, pas du tout dans une tradition folk ou alors particulièrement fantasmée. On écoute The Return de Heather Lee avec ce disque I Abused Animals. Thank you. Thank you. that one day after a night of looking at the sky full of blazing moon, Gordy and Renee, they decide to go out for a walk. They decide to go out for a walk in the changing world. And just like the books say, they notice everything in the world is always changing, oh baby, and everything is different. The walls of the world are not like the walls of our house. They hold each other's hand and sing, oh, we are two small sheep who have lost our way. Then as a token, she pins a flower on his vest. She says, this matches your baby blue eyes, Gordy. And he says, I've never noticed the color of your eyes, Renee. They're blue too, aren't they? No, she says, they aren't blue. And so it turns out they have been pretty blind. You're beautiful, thanks. I do what I can, boss. I do what I can, boss. Oh yeah, I have to tell you at this point that our young couple's financial situation is not in a particularly healthy state. The big night of the year arrives. Dinner is very gay. The music is slow in the arms of this wonderful evening, the stars brighter than ever before. Music I've never heard is a soaring rhapsody in my heart. Finally, it comes to an end. And Gordy says, your eyes are brown. Let me repeat that. Gordy says, your eyes are brown. Darling, may I? She says, please do. Don't panic from now on. Anything you say, boss, cut back. Cut back to young couple holding hands, hallucinating together. Natural order of things, they're starting to do better. And you know in which way financially their child is getting older. Renee lets her mind drift back in time. The moon is full of romance. He had to give up her career. Show business, and now Gordy is putting her down. Gordy, please don't put me down. I want to tell you that this is a continuing drama of young love. I want to tell you about Gordy, the handsome young investment counselor. I said investment counselor, a sly dog who never guessed. They saw each other for business reasons. Money, the life-giving rays of the sun. No words passed between them, for none were needed to express what they felt for each other. Darling, may I? She said, please do. Don't panic from now on. Anything you say, boss. And then the nameless fear gripped them as in bygone years. The evening had begun with wild beatings of an innocent heart. The vaults of heaven opened. They can hardly stand. She says, oh, Gordy, hold me, for I am young and in love. And the floor doesn't seem to be solid at all. You know what it is that I'm talking about? Financial instability. No need to talk about the lights. You're always listening to the sound. Cold air nibbling at your bare shoulders. Oh, what a wonderful, wonderful moment. As I mentioned earlier, dinner is very gay. Don't panic. From now on, anything you say. Small plaintive voices cry out from the depths of their troubled hearts. They settle down and start to unravel the tangled threads of their life. They remember the tender touch of their fingers when they first sought each other and the magic of the first gentle kiss. They have a child, and suddenly a nameless fear grips them. They both knew that it would be hard at first, but I don't think they ever expected what happened next. Everybody wants to be a star rather than a burnt-out light bulb. She loved him and he loved her, and for a while things seemed all right. Until, oh no, I don't believe it, my face, my whole body seems frozen in terror. Hurry, please. Hurry, driver, you know that you have to hide your feelings. You know that you're out of your tree and nothing seems to matter anymore. I feel so strange, so confused, it's like a dream come true. Hurry up, doll, I am buying the goodies, it's a celebration. And she says, but I am not selling the goodies, and what about the kids? This is what I think of you and your idea of love. She slaps the guy, he drops his drink, and all of the faded green people look concerned. There is a dull ache in her arms. Gordy says, I love you, baby, don't you understand that? And she says, no. She says, I do not understand that. At which point Gordy is led, heavily shackled and unresisting, seemingly almost insensate, into the gaudily festooned makeshift throne room. And he thinks to himself that after everybody has had their say, he's going to let everybody have their say, that he is going to tell them that the hour of reckoning has come at last. And with one powerful surge, he will break free and finish something that was never started. She says, Gordy, please, do not put me down. Alors s'il y a un groupe mythique parmi la scène psychédélique de la fin des années 60, c'est bien celui-ci. Il s'appelait Intersystem au pluriel. Et là on écoutait un extrait de leur disque de 1968 qui était un private praise sous le titre Free Psychedelic Poster Inside. Ils avaient publié trois disques à cette époque. D'abord Peachy, Number One en 1967. Et donc ce troisième Free Psychedelic Poster Inside avec de la musique électronique assez stridente et assez décalée et des spoken words totalement incroyables avec des histoires totalement sordides pour ce groupe dans lequel officiaient trois musiciens je crois ou quatre, Michael Hayden et trois de ses camarades. Ils étaient très proches de la Beat Generation, également de Timothy Leary, de Dandy Warhol, de Lou Reed ou encore de John Cage. Il y a déjà eu une réédition dans les années 90 de ce disque Free Psychedelic Poster Inside ainsi que du Peachy. C'était sorti, si je ne m'abuse, à l'époque grâce aux bons soins de la Cortical Foundation et des gens du Free Music Society de Los Angeles également. C'était une production streamline uniquement en CD. Et Intersystem revoit le jour à l'occasion d'une réédition triple vinyle grâce aux bons soins de monsieur Emanuele Carcano du label Algamargen, qui n'est pas avare en réédition de choses totalement bizarres, ce depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années. Et les trois vinyles ont été remasterisés par Giuseppe Yelasi lui-même. Et ils sont accompagnés par un livre de 132 pages avec pas mal d'illustrations. Alors il me tarde d'en apprendre plus sur ce groupe totalement obscur. Il n'avait pas eu la chance d'être édité par les labels officiels de l'époque et ils s'éditaient eux-mêmes. C'est vrai que la musique est particulièrement cramée, comme vous pouvez l'entendre. Elle continue derrière moi. Juste avant, il s'agissait de Heather Lee et l'album I Abuse the Animals, un disque publié aux éditions Mego dans la série Idéologique Organ, musique qui faisait pas mal penser à Charalambides, mais c'est vrai qu'elle était assez proche de tout ce mouvement un peu folk, dronesque et Noise sur les bords. Et Heatherly, vous pouvez aussi la retrouver en interview dans le magazine anglais The Wire du mois de novembre, celui avec la tête de Christian Vander en couverture. Une interview assez dure, assez étonnante. On apprend un peu plus de son parcours personnel pour Madame Lee Heather de son prénom. On va continuer avec une formation lyonnaise de musique électronique qui vient tout juste de sortir son premier 25 cm sur étiquette SK Records. Il s'appelle Société Étrange, ce qui est un très très beau nom. Il produit une musique électronique peut-être un peu vintage, messieurs Antoine Bellini et Romain Hervaux, qui ont été rejoints par un batteur d'ailleurs récemment. Une musique entre early électronique, musique industrielle et aussi un peu kraut cosmisch sur les bords. Je propose d'écouter un extrait de ce disque éponyme de Société Étrange. Les morceaux, il y a des morceaux assez longs. Là, je vous ai proposé un morceau un tantinet plus court sous le nom de Des Nouvelles de Pélagie. On écoute la Société Étrange dans l'asile le plus sûr sur en tête du 94 MHz. We'll be right back. focus sur la musique électronique des terroirs hexagonaux dans l'Asie le plus sûr, qui a démarré avec l'excellente jeune formation Société étrange de Lyon, un duo et désormais trio qui vient de sortir son premier disque. Alors je vous ai peut-être dit que c'était éponyme, alors ça s'appelle plutôt Au revoir. Ce 25 cm étendu publié par l'étiquette SK Records, très très bon disque de musique un peu vintage électronique, assez ambitieuse je dois dire, avec un morceau qui me plaît plutôt pas mal, de 8-9 minutes sur la Fassa. Et c'était enchaîné avec la formation nantaise Robonum, le gangstar de l'électronique crash nantaise, le modular Synth Gang qui existe depuis la fin des années 90 et qui se produit essentiellement du côté du blocos DY10 à Nantes, du côté du pont Anne de Bretagne, si vous connaissez un peu la ville. Et là, il s'agissait d'une galette aussi, un maxi étendu, là encore, publié à l'automne 2014. J'avais fait l'impasse sur cet excellent disque de Robonum, publié par le label lui-même nantais 730, voilà. Et ils ont sorti aussi une cassette il y a très très peu de temps, les Robonum, qu'on peut voir en première partie de pas mal de concerts associatifs, que ce soit des concerts câbles ou encore Apo 33, et toujours avec une pléthore de synthés modulaires analogiques bien sentis pour ce collectif à géométrie variable Robonum. On va enchaîner avec du jazz contemporain et un disque publié par l'étiquette de monsieur John Zorn, Tzadik, cet automne. Il s'agit d'un nouvel album du saxophoniste Larry Hoche, qui est un musicien qu'on connaît surtout pour avoir beaucoup contribué au jazz free et contemporain au sein du Rova Saxophone Quartet et aussi Orchestra, toutes ses différentes incarnations, et aussi pour son excellent label Meta Language, qui a beaucoup illustré la musique impro et free du côté de New York à partir de la fin des années 70, début des années 80, dans ses croisements notamment avec les musiciens improvisés européens. Il revient avec un nouveau projet, The Fictive Five, dans lequel on le retrouve aux côtés du trompettiste Nate Woolley, de Ken Filiano, de Pascal Nickenkemper et de Harris Enzenstadt. Alors, il s'agit de très très longue pièce là encore, et je propose d'écouter un extrait de celle qui démarre ce disque The Fictive Five, le titre Similitude, dédié à Wim Wenders. We'll be right back. Je vous avais prévenu que c'était excellent ce disque de Larry Hoche, le saxophoniste vétéran américain qui sort pas très régulièrement des disques sous son nom, mais à chaque fois il fait les choses en grand. Et cette fois-ci aux côtés de Nate Woolley, Ken Filiano et Pascal Nickenkemper, qui est le nouveau contrebassiste qui monte de la scène américaine, et Harris Eisenstadt. Le disque s'intitule The Fixed Five, et il est sorti sur le label Tzadik, et c'est vraiment un ravissement pour les cages à miel. Voilà, et si vous intéressez au jazz free, je ne peux que vous conseiller un concert à Rennes cette semaine du BGZ Trio, qui est de retour dans nos contrées. Alors le BGZ Trio, c'est Guillaume Bélanger au sax, ténor ou soprane, Étienne Ziemniak à la batterie, et Patrice Grant est à la contrebasse. Ils reviennent cette semaine à Rennes pour un concert en off du off des trans. Ce sera ce vendredi 4 décembre chez les potes de la Maison de la Grève. L'entrée est libre, et la Maison de la Grève, c'est toujours au 37 rue Le Graveran, quasiment en face du bar Le Delta. Vous ne pouvez pas vous tromper, ça démarre vers 20h30 21h, cette soirée à l'initiative de Peter Fontaine. Voilà, il y aura aussi des guests qui joueront dans cette soirée concert de BGZ de Trio ce 4 décembre. Voilà, on va se quitter avec un dernier disque, le temps de vous rappeler que vous pouvez retrouver l'intégralité des playlists de l'Asile le plus sûr à partir de la plateforme asile35.blogspot.fr. Pour tous les podcasts, les liens, les écouter en streaming, poster des commentaires, ce que vous voulez. Voilà, donc on va se quitter avec un dernier album et la formation de drone façon post-Scalcy The Pitch, qui est une formation plutôt internationale, dans laquelle on retrouve notamment Morten Olsen, Quen Nutters, Boris Balchun et Michael Tiek, qui joue respectivement de la basse, du vibraphone, de l'harmonium et de la clarinette. On les avait écoutés au printemps dernier sur un disque publié sous étiquette norvégienne Sofa en version grand orchestre, le Frozen Orchestra. Là, je propose de les écouter en quatuor sur un vinyle publié par l'excellent label de Frank Gaffer, Gaffer Records. Le disque s'intitule Xenon and Argon, et je propose d'écouter la version Xenon du Pitch Orchestra. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine à l'écoute de Canal B. À bientôt. Thank you. Still in her blue gym suit will finally lean over, perhaps 12 years old. Once upon a time, Fred walked out past the city. "What are you doing here?" a woman asked. "Just walking." And he walked out past even the suburbs. But her baby was crying and she went in again. And a cow said to him, "What you doing here?" "Just walking." But the farmer bellowed from the barn and the cow went to tend him. And when Fred was a long way from the city, a long way from the suburbs, a long way into the country, he found a cave. He went into the cave and made talk with Echo. "Just walking." And in the cave were no puppy dogs, but he found some guns, and he walked back to the city. He didn't tell anyone about the guns, neither the cow nor the farmer, the child nor the woman with the towel on her head. He didn't tell them about the guns. But when he got back to the city, he told one friend about the guns. And that one friend told another man who was out of a job. And pretty soon there were quite a few men who knew about the guns, who didn't have anything to do but walk. These men had done a lot of walking, but had not walked as far as Fred. So Fred said to them, "Let's go get them guns and do some hunting." So all the men walked out of the city, past the suburbs and far into the country. They didn't say very much to the child or the woman with the apron or the cow with the farmer. They walked right out to where the cave was, made a little talk with Echo, made themselves some soup, and got the guns. "What shall we hunt?" said one man. "What shall we hunt?" And all the men gathered around Fred, for it was he who found the guns. After a while, Fred said they would hunt the city and the suburbs and perhaps a few farmers, as there were very few pigs left. Lighting fire to things and wanting to go home, a razor, a few personal effects, and a light windbreaker. Man, name of Morelli, at the moment of electrocution, Chicago, November 26th. More, please. More. More, please. Stop. That was last year. When I get up in the morning, I tell my wife to get up. She doesn't get up. Ass to kick your own or somebody else's. I would dream the story of your odds and years too well. For I like what I think about it. Or I think I know. I like to think I like it. So after dinner, which was very gay, Rennie and Gordy go out for a walk. They walk and walk, and finally they walk right out of the city. This is the pastoral part of the story. They are walking in the plastic fields, and they are young and happy. Everywhere they look, it is beautiful. They get down on their knees and they thank God for their blessings. Picture this scene. Out with the girl that you love, and there is something in the air, something that you can't control. It keeps seizing possession of you. I said, you're with me, beautiful, remember? I said, you are with me, beautiful. Do you remember? We are walking in the country. We are blessing God for our goodies. This countryside is interchangeable and scientifically designed for real comfort. Familiar scenes drift past slowly. Long dead images reawaken. Renee remembers sweet, impossible dreams, dreams of love. Love plucked from the ashes of the past. And then the telephone rings. She picks up the telephone. It is Gordy. They sit opposite each other in the field. And they have a conversation. When they are finished with their conversation, they hang up. the telephones, they give a blessing and move on. She says, go ahead and try. And the telephone rings again. She said, go ahead and try. Baby, make me fall in love with you. Taking the country air in the electric garden, Gordy starts to tell Renee something that has been on his mind for a long time. He says, you know, you have to hide your feelings. She says, please don't panic. I'm out of my tree and nothing seems to matter anymore. He said, please do not die. I did what I had to do. I did the ordinary thing. She said, what are you talking about? He said, I hired a private investigator to keep tabs on you. He said, you cannot be serious. He says, try to understand, baby, I love you with my whole heart. She says, I cannot believe it. She says, I cannot believe it. And Gordy hangs his head. He unplugs a flower and he says, I suppose you never want to see me again. Not that I blame you. Don't hate me. I only did it because I love you. And we are married. And after all, and have kids. And please, don't turn me off. Renee, she starts laughing. He says, what's so funny? He gets worried. He says, stop that laughing, speak to me. And then he pins the flower, which he has unplugged, on her blouse. It does not match her eyes. She says, Gordy, please don't put me down. He says, baby, please don't turn me off.